Vous écoutez Choc FM. Des fois on a des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très, très constant. On parle de marde en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% me rejette à la radio. Oh oh oh oh oh. Drame sonore de Mario Bros, ça nous vient directement du 8-bit Nintendo, le Super Mario Bros 3. Bon jeu, ça. Excellent jeu. Bon jeu, il n'y a rien à redire là-dessus. On va avoir les tones en background pour le long de l'émission à laquelle les gens ont voté pour... en fait, c'est l'Homme Puma. Ça a été un des plus chauds combats qu'on a eu au douteux.org à date. Un des plus gros nombres de votes. Ouais, aussi ouais. Également, il y a eu une trentaine de personnes, je crois, qui ont voté. Merci beaucoup, les amis. Et ouais. Voilà, on continue comme ça. Pour l'instant, donc, ce soir, c'est l'Homme Puma. Et puis, ben, comme j'ai fait beaucoup d'archivage, je vous ai amené une petite surprise. Là. On a plein de nouveaux clips. Et puis, ben, surtout... ouf, des titres de films. Yes. Bruno, tu nous as déjà dit de quoi tu parlais, toi, Israël? Je vais vraiment bien appuyer ce que vous dites. Ah, voyant. Donc, ben, sinon... J'ai rien parce qu'avec ma chronique de la semaine passée, laissez-moi vous dire que je me rattrape cette semaine en étant poli. En fermant ta gueule. Donc, vous irez écouter la semaine passée, pour ceux qui sont curieux, des 10 trucs bien importants. Pour reconnaître un vrai shit. Là, et toi. Voilà. Donc, sinon, vous vous souvenez sûrement ici des auditeurs de 70%. N'utilisez pas des enfants pauvres. Et bien sûr, Damien Blas-Bouchard qui était passé. On avait eu aussi le super hit. Au fond d'un trou. S'on veut pique nos déglingués. Et voilà, hein, ça sent les chips au bacon. Mmh. Mais peu se souviennent que Damien était passé pour nous faire une la troisième fête, tourne. La fête, la fête. C'est ça, on va écouter ici, je fête ma fête. C'est Damien Blas-Bouchard à 70%. Reviens-nous, Damien, on s'ennuie. Après, j'ai une excellente question pour toi. Et voilà, donc on est à 70% avec Damien, je fête ma fête. Puis on revient juste après. Pour tous ceux qui ont peur du noir comme de leur sœur, chaque jour vit et meurt, pleure dans la douleur. J'ai pas vécu d'ailleurs une vie mine, j'ai pas su me ravir du point de ta mire, j'ai pas su appauvrir ton pauvre désir, pas vécu encore la première mort. Et sur le remords jouxtant ton corps, trop idéalé, je suis sur la liste de mes fantasmes machistes, fascistes et tristes. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je fête, ma fête, ma fête. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je fête, ma fête, ma fête. T'es qui toi qui a pété la tête du con qui pue? T'es qui toi qui a pété la tête du con qui pue? C'est moi qui pue. C'est moi qui pue. Évidemment binaire sur mon lunaire, ma demeure austère est dans une guerre. Mes deux mondes sont de talaron, de maçons des gens de ma rotonde. De l'arbre farouche reste la souche sur ma bouche que tes lèvres ne touchent. J'ai gravé sur le mur dans la pierre dure un poème qui, je t'assure, est sûr de passer par-dessus les murs. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je pète, ma fête, ma fête, ma fête, ma fête. je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je pète. Ma fête, ma fête, ma fête, ma fête. T'es qui toi qui a pété la tête du con qui pue? T'es qui toi qui a pété la tête du con qui pue? T'es qui toi qui a pété la tête du con qui pue? C'est moi qui pue. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je pète. Ma fête, ma fête, ma fête, ma fête, ma fête. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je pète. Ma fête, ma fête, ma fête, ma fête, ma fête. Je pleure dans la douleur. Je pleure dans la douleur et c'est pas ça que je pète. Ma fête, ma fête, ma fête, ma fête, ma fête, ma fête. La foule augmente au fur et à mesure qu'approche l'heure du départ pour le match de l'année 2025 du jeu de la mort. Voici Shannon qui s'avance, sûr de lui, grâce à ses 7 victoires précédentes. Il est sans doute un peu crispé, comme peut l'être un homme prêt à tuer ou à se faire tuer. C'est la même exaltation nerveuse que ressentaient jadis les gladiateurs qui partaient au combat. Et voici les chasseurs. En tête, Woody Aldrich. 8 fois chasseur et 2 fois gibier. La force d'un bœuf, l'agilité d'un chat. Gabe Mantrax, instructeur pour les arts martiaux, participe pour la 3e fois à un combat de classe internationale. Et enfin, Kurt Karnak, qui sera sans doute l'adversaire le plus redoutable pour Ron Shannon. Ils se connaissent car ils ont vécu ensemble des heures terribles au cœur de la cité. Leur public, bravo Ron Shannon, notre vainqueur est sans doute très fatigué. Il retrouvera toutes ses forces en buvant un verre de Life Plus. Vous aussi retrouvez vos forces comme Ron Shannon grâce à... Life Plus. Bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Ok, Tommy, j'ai une question très pertinente. Je l'ai ruminé toute la semaine, en fait. Ben, vas-y. Tu sais, dans le cosme du douteux, puis tout ce qui sort autour, on en vit beaucoup récemment, moi, toi, puis les amis qui vont au brouhaha à chaque lundi. Ouais, ouais. Je me demandais, est-ce que c'est possible de faire exprès de faire un douteux? Tu sais, admettons, tu veux faire un film pas bon, là. Ben oui. Mais non, parce que si tu fais par exprès, ça sera pas bon, tu sais. Ben c'est d'habitude. Mais c'est comme les films de trauma ou le psychotronisme, là, c'est volontairement absurde. Ouais, mais là, c'est drôle, puis c'est pas un douteux, tu sais. Ça fait que là, ça va dans le plus. Ben, je sais pas, je suis pas un gros fan de psychotronisme gore, mais tu sais, un film comme Revenge of the Return of the Radioactive Reporter. Il savait qu'il partait avec un concept qui avait pas de sens, puis il s'en allait vers rien. Là, il y avait pas de prétention. Non, c'est ça. C'est ça. Ce qui est drôle, c'est quand le monde, ils se mettent les pieds dans les plats, comme dans le dernier assaut, mettons, qui nous présente un Vietnam qui a aucun bon sens avec ce que la réalité devait être. Ou, Non, tout à fait. Mais justement, quand tu pars avec... Moi, en fait, je pense que ça se peut pas, là. Ben c'est tout le temps c'est différent, c'est ça. On non, c'est un style différent tout à fait. Ou sinon ben il manque le shot puis ça a pas de sens parce que j'ai déjà vu des films qui voulaient être volontairement absurdes puis ça c'était plate comme mettons Les Stupides avec Tom Arnold dans ses... Ah ça me dit quoi? Ah ouais, ça c'était vite. C'est ça, c'était comme volontairement absurde mais en même temps ça flottait pas haut, tu sais. C'est bien difficile hein, de cibler le propos. Puis d'ailleurs, j'aimerais dire un gros merci, en profiter à Simon Chénier qui prend ses vacances à 70%, lui qui est un personnage important. Hein. Pendant la semaine, j'ai gravé plus de 150 films, longs métrages très douteux. Mm-hmm. Et il faut que j'y fasse en double pour être sûr d'avoir un backup. Ça veut dire plus de 300 films spéciaux. Ah, puis là, t'es tanné, là. Ben, en fait, ça m'a donné, ça m'a poussé, oui. Là, pour ce batch-là, là. Mais sinon, ça m'a poussé à sortir quelques titres de films parce que je suis tanné de m'enfarger là-dedans puis d'être crampé tout seul chez nous. Fait que si j'ai amené les titres de films, je vais vous faire A et les B. Les pires. A et B, non, même pas, je lis tout. Ah, juste A et B. C'est tout débile. Je vais aller le A et le B, ben, les meilleurs, mettons, là. Puis, ben, je vais continuer comme ça pour la semaine, mais ben, au fil des semaines. Pour l'instant, moi, Bruno, ouais. Je vais en savoir payer, faire pipi ou un autre. Là. Ok, payer, faire pipi, ok, c'est bon. En Inde, dans une petite ville du sud du Tamil Nadu, les gens se font payer pour pisser dans les toilettes publiques. On peut gagner jusqu'à 30 roupies, c'est-à-dire environ 69 cents par mois, en urinant dans ses toilettes. C'est un organisme à but non lucratif qui souhaite faire des recherches sur la fertilisation et par le fait même empêcher les gens de se soulager un peu partout dans la ville. On considère qu'environ 700 millions de personnes en Inde qui ont accès à des toilettes publiques urinent et défèquent dans la rue, ce qui augmente la quantité de maladies. C'est le premier programme social qui va dans cette direction-là et qui fonctionne. Ben, bravo, man, ils vont apprendre l'hygiène. Hey, bonjour. Moi, je lisais cet article-là, puis je me disais, est-ce que je suis raciste pendant que j'étais en train de lire ça? Ouais, j'avais vraiment de la difficulté avec moi-même. Ouais, ça doit être différents mœurs, différents endroits. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. On en a reparlé tantôt avec l'homme puma, d'ailleurs. Ben, peut-être que je pourrais en parler là. Ben, ouais. Puma! Donc, l'homme puma, moi, je l'ai réécouté tantôt pour la deuxième fois, moi, puis... Ah oui. Film tourné en anglais en 1980, on comprend tout de suite la source de toute cette divergence quand on constate que le réalisateur ainsi que les producteurs sont italiens. Les Italiens des années 80, encore eux. L'homme puma est, comme vous le savez déjà, un homme normal, choisi par le destin, de par les couilles desquelles il provient, pour devenir le messager d'une religion disparue il y a plus de 300 ans. Le fait que cette religion soit disparue de nos jours est beaucoup dû au petit Jésus et à sa très sainte Inquisition. Autre sujet très douteux, à propos duquel je ne m'étendrai pas. Pas ce soir, en tout cas. Parce que ce soir, c'est Donald Pleasance et un blue screen odieux qui vont prendre le contrôle de vos moyens de réception en monopolisant mon inspiration d'émission. Puma Man... Puma Man, c'est l'envoyé des dieux aztèques. Un concept qui, à notre époque, fait passablement septième membre des Village People. Le fait que la religion aztèque ait disparu il y a si longtemps est un début de piste de compréhension par rapport au look tellement faggot du saut du héros. Parce que ça vient avec la ceinture bénite et puis tous les super pouvoirs. Mmh. Fait que tu sais, peut-être ça a été devisé par les dieux aztèques là, 300 ans puis qu'il a l'air hot dans ce temps-là. Ouais. Sinon, je vois pas. Sinon, ben, c'est ça que je disais, hein, autre époque, autre mœur. Hein? C'est beau, hein? Tout en rejoignant la visée du bon sens critique développée par l'école de Francfort, la notion d'esthétique vestimentaire dépend de chacun. Ouais, on peut rire de son saut, mais lui, il a le droit de dire que c'est beau. Ouais, tout à fait. Hein? C'est ça, hein? Qu'il soit dieu aztèque ou autre, il peut s'habiller comme il veut, puis il a le droit de penser ce qu'il veut, mais rien! Dans les effets spéciaux, rien n'excuse le doutisme des ligues majeures des effets spéciaux du film de ce soir, qui sûrement doit être dans les pires montages. Il va falloir vraiment se concentrer sur la chose. On est en train de se plonger dedans ici. S'il y a une petite légende, je vais vous la lire parce que c'est comme une mise en situation. Une antique légende aztèque nous dit que dans la nuit des temps, un dieu blanc est venu de l'espace sur Terre et fut le premier homme puma. C'est tout? Ouais, c'est ça. Ça, c'est la mise en situation, l'espèce de petit prologue. Et on voit un vaisseau spatial qui va atterrir sur la Terre pour tomber. L'acteur avec un drôle de nom, c'est avec le deuxième. L'acteur Donald Pleasance, c'est Donald ça? Donald Pleasance, oui, c'est un boss de la fin. Il est barré, ouais, sûrement, il est pas, c'est pas un gentil d'habitude, Donald Pleasance. Non, Donald Pleasance, c'est très occupé. Avec ce gage, je serai toujours présent parmi vous. Mon fils en sera le gardien, ainsi que les fils des fils qui naîtront de lui. Pendant des millénaires, il conservera mes pouvoirs, les pouvoirs d'un homme dieu, les pouvoirs d'un homme puma. Est-ce qu'il dit ça à quelqu'un, là, ou... Homme puma. Donc, en fait, c'est un extraterrestre qui vient sur Terre, qui laisse une espèce de masque d'or au pouvoir magique, et puis, ben, qui va être retrouvé bientôt par Donald Pleasance, qui joue le rôle de Cobras, le boss des méchants. Donald Pleasance, j'en parle rapidement, c'est quelqu'un qui est né en 1919 en Angleterre. Il a servi dans la RAF, la Royal Air Force, avec Snoopy. Et puis, c'est ça, c'est quelqu'un qui est aisément reconnaissable et qui a joué dans toutes les Halloween, sauf celui qui met des masques. Là, sauf ceux qui est mort, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, toutes les Halloween avec Michael Myers. Jusqu'au 6, je pense. C'est ça. Ouais. Il y a Donald Pleasance dedans. Ouais. Donc, c'est un acteur qui est habitué à la qualité. Il a également joué dans un James Bond. Oui. Il a également joué dans The Great Escape. Et dans beaucoup d'autres films très douteux qu'on va sûrement voir une autre fois. Je pense qu'on va aller saucer dans un dialogue bien, bien visqueux bientôt. OK, non, c'est ça, c'est l'espèce de blabla. Fait que là, 2:20, on va aller à 2 minutes 20 parce qu'on le mérite. Oh, technologie, c'est ça. Voyons, on le voit là. Donc, Donald Pleasance a trouvé le masque qui est analysé par une scientifique. C'est une inscription aztèque qui parle d'un homme ayant le sang d'un dieu dans ses veines. Vous voyez? Un dieu venu d'un autre monde. Un homme puma. Eh! Hey. Ouais. Fait qu'on l'a, là, on est à 2 minutes 20, on l'a entendu pas loin de 8 fois. Sans compter les échos. Continuez, je vous en prie. Continuez. Une malédiction. Malédiction. Celui qui osera profaner l'image du dieu puma périra par la main de l'homme puma vivant. Ce sont des âneries, des légendes ridicules. Puma, puma. Il y a quelquefois plus de vérité. Ça me fait penser à Sagat, Tiger, Tiger. Dans l'histoire. Cette malédiction peut s'abattre sur nous. J'ai toujours essayé d'être le premier à frapper. De la façon plaisance. The pleasance way. Oh, il a trouvé le fonctionnement du masque magique. Ça n'a pas été long. Non, non, non, ça, ça a pris la séquence d'introduction. Cette relation date de 3000 ans. Elle nous enseigne une fabuleuse technologie. Pushing. Mais c'est la preuve flagrante d'une présence extraterrestre dans notre histoire. Et voilà. C'est une découverte qui va révolutionner l'univers. Et oui. Nous devons en informer notre peuple. Mais ce n'est pas votre rôle de décider. Il faut-tu la tuer? C'est à vous de l'annoncer? Et qui je peut m'en empêcher? Bon, ouais, il va faire bien mieux. On va tout de suite Miss comprendre. Miss Dobson! Hey, c'est en faune, ce masque-là. Vous pensez... Et votre volonté m'appartiennent. Oh! Et voilà. Pour toujours. Pour toujours. Vous entendez les effets spéciaux? Moi, je les vois en même temps. Il est en train de déboire ses pensées et sa volonté, là? Oui, en faisant des zoom in flou. Aïe, aïe, aïe. C'est l'idée de génie. Et donc, voilà donc vous la science. Vous pouvez disposer maintenant. Et elle est sous son emprise et totale. Obéissez. Mais mieux. Il va dire quelque chose. Ça va être drôle. Vas-y, vas-y. Vas-y. Donc, on vient comprendre le pouvoir tout-puissant du masque des enfers qui vise, qui a la puissance, la faculté de dominer les esprits de ceux qui sont regardés au travers des yeux du masque de par le méchant Pleasance. Grâce à ce masque. Ensuite, nous dominerons le monde. Et vous, ah ben ouais. Rien ne pourra nous en empêcher. Rien, on a le masque en forme. L'homme puma. Sauf l'homme puma, on l'avait oublié. Ils en ont tellement pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Essayez de le supprimer. Donc, voilà le nœud de l'histoire qui est établi. Il me reste encore deux petites séquences pour ce bloc-là. Là, on va aller à 6 minutes 20. On va aller se faire pousser de l'information de façon odieuse par un des rares personnages du film qui parle. On va comprendre notre héros, on va le rencontrer. Hé, hey, Tony, arrête-toi, j'ai à te parler. C'est impossible pour le rythme. Oui, mais à ce rythme-là, tu vas te rompre les os. Tu as vu l'identité des victimes, tous de nationalité américaine comme toi, mon vieux. Et tous fils de médecins comme toi. Leurs parents sont morts dans un accident d'avion de la même façon que les tiens. Alors ça te paraît pas suffisant, ça? Ce que je me demande, c'est pourquoi t'es devenu pompier. T'aurais dû être extra-lucide. Hé, hey, une solution? En arrière. Un parachute d'occasion? Ah, tu retardes, j'en ai acheté un bleu, en soie. Ah ouais? Pourquoi? Pour battre le record de chute libre. Non, t'es inconscient, Tony. Tu sais combien de temps il faut pour tomber du 32e étage? Il faut environ 2 secondes. Alors comment tu feras? Je réussirai en moins de 2 secondes, voilà tout. Et voilà, donc notre héros, on comprend que c'est un casse-cou qui n'a peur de rien. Il y a une seule fréquentation sociale, c'est-à-dire cet ami-là. C'est quelqu'un qui ne va parler une autre fois dans le film pour encore une fois remettre en relief le héros. Et puis ben ici, on va comprendre qu'il y a une vie professionnelle très turbulente. On va le voir, il va parler à son patron. Ça va sentir le plastique brûlé, là, c'est normal. Mr. Farms? Oui, monsieur, je sais que je ne dois pas oublier que ce musée n'est pas une salle de sport. Vous commencez à être raisonnable. Oui, je sais aussi que si je veux assouvir mes envies sportives, je dois le faire en dehors de mon travail. Ah. Il y a des envies sportives, il y a des pulsions. Des pulsions d'envies sportives, c'est quoi ça? Non, cela m'arrive seulement quand je prends conscience d'un danger. Ah. Eh bien, vous semblez ne pas vous tromper. C'est le Puma Sense. C'est peut-être le danger d'être mis à la porte. Et voilà, pour rendre le travailleur à l'aise et confortable dans sa journée de travail, on menace ici notre héros Tony, le Puma Man, de renvoiement. Ah, ça, précis, ça fait mal. On est rendu à quoi? Moi, je mène tourne si tu lis pas de nouvelles. Mon éditorial, je vais garder ça pour plus tard, je pense. OK, ben, lis une nouvelle. Fait que, ouais, ben, juste peut-être quelque chose de vite, là. Un petit fait intéressant cette semaine, la crise économique américaine incite de plus en plus d'immigrants illégaux à retourner au Mexique. Le manque d'emploi, l'augmentation du prix de... pas mal toutes. La peur d'être déporté, les chances d'obtenir la citoyenneté qui sont de plus en plus minces font que plusieurs immigrants illégaux préfèrent déménager dans les conditions moins favorables de leur mère patrie que de rester aux USA. Puis là, c'est quoi qu'ils vont faire? Il va falloir qu'ils passent par-dessus le mur du Texas, mais dans l'autre sens? Ah non, ils font juste rentrer. Ben là, il y a des mines. Il y a des mines? Ben oui. Mais pas aux douanes. Pas aux douanes. Pas l'argent du chemin. Ils n'ont pas mis des mines aux douanes. Hey, hein? Bon, ben voilà, bravo. Encore une belle avancée pour l'humanité. Ah ben là, on va écouter Mark Knopfler de son album Shangri-La. Ça va être Postcards from Paraguay. Vraiment bonne, ce tune. C'est fort. On revient à 70%. Tu vas nous faire ton bacon, hein? On va parler de bacon. Ça va être ça. Excellent. Thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. I couldn't stand the face of music. There's so many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I robbed a bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand the face of music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from chier! Chier! Chier! Chier! Et voilà, l'homologramme pour les fans du domaine, c'est chier, c'est la version française de shit. Ouais. Il traduit shit, chier. Fait que quelqu'un qui se pogne, en tout cas, là-dedans, il y en a au moins 8 différents. Gracieuseté, Lorenzo Lamas et Evan Lurie. Superbe. Nouvelle? Ah non, tu nous parlais bacon. Ouais, ben ouais, je vais parler bacon, je pense là. All right. Ah ouais, tu parles le bacon. Je parle le bacon. Alors le bacon. Mais quelle est cette fascination que nous semblons tous avoir envers la plus magique des viandes? Mmh. Est-ce justement dû au fait qu'elle est magique ou y a-t-il quelque chose de plus? À l'époque où l'explosion des médias nous offre une ouverture sur le monde jamais exploré auparavant, où l'on peut avoir accès à de la pornographie 24 heures sur 24, où l'on sait immédiatement que Megan Fox a dompé son chum après les faits, le bacon prend toujours une place de choix dans l'élite de tous les milieux. Le foulard bacon, la brassière de bacon, le papier de toilette bacon, l'emballage cadeau, le tuxedo, les bacon mints, le bacon cookbook et j'en passe. C'est comme si le bacon était la meilleure idée de l'histoire de l'humanité. Anthony Bourdain, chef cuisinier de renom, l'a même surnommé la protéine échappatoire afin de désigner son habileté surprenante à ramener les végétariens au carnivorisme. Dans l'introduction du Bacon Cookbook, James Villa nous dit « Le bacon a une balance parfaite entre les goûts sucrés, salés et fumés et une balance parfaite entre les textures de viande et de croustillant. C'est la nourriture la plus parfaite jamais créée par les dieux. Le bacon, c'est bon. Tout le monde le sait. » Mais c'est aussi un symbole occidental extrêmement fort. En Tanzanie, les enfants mangent des souris sur le feu pour la collation. Ici, le bacon nous rappelle la chance que nous avons d'avoir le choix de ce que nous mangeons, même si c'est mauvais pour nous. Cette propriété du bacon fait qu'il se retrouve au moins comme ingrédient facultatif dans toutes les recettes possibles parce qu'il matche à peu près avec n'importe quoi. Je parle ici, par exemple, du bacon enrobé de chocolat. Même dans les Cheerios. Même dans les Cheerios. En plus, le bacon est tellement entré dans l'inconscient collectif et dans la culture populaire qu'il est devenu humoristique. Comme le jambon, le bacon est drôle, mais d'une manière plus classique. Je sais pas quel est le ratio de blagues jambon par rapport à celle de bacon dans les Simpsons, mais d'après moi, le bacon l'emporte haut la main. Le bacon, c'est aussi sexy. C'est sexy parce que c'est rebelle. Manger du bacon, c'est dire « Non, je me plierai pas à tes règles nutritionnelles, papa. » Manger du bacon, c'est jouer par ses propres règles, fumer des cigarettes en se foutant des conséquences, tourner à gauche sur la rue Boucher au coin Saint-Denis, calculer la quantité d'alcool que ça prend avant de tomber dans le coma éthylique, puis prendre sa voiture ensuite, jouer à la roulette russe. Manger du bacon, c'est vivre. Encore! Culturellement, est-ce que l'explosion canonique du bacon est une bonne ou une mauvaise chose? Est-ce que de s'associer au péché le plus divin depuis l'originel, même que... et l'attitude à adopter pour que le monde avance dans la bonne direction. L'obésité, les maladies cardiaques, la dysfonction érectile sont-ils de minces prix à payer pour qu'une ère culturelle, politique et sociale basée sur le bacon prédomine sur celle de la salade si plate et tellement moins appétissante? Les architectes de ce mouvement ont déjà fait les premiers pas. Allons-nous les suivre et les appuyer dans cette entreprise? Je dis, commençons par mettre des bacon bits dans notre salade. On verra où ça nous mène. Ensemble pour le bacon. Ensemble. Hey, c'est excellent, man. Tu viens de finir ta chronique? Ouais, j'ai le bacon comme moteur de développement. Le bacon comme façon de vivre. Ben comme oui. Catalyseur de l'énergie commune. Hey, le bacon comme... Bravo, man, merci. Merci. Ouais, hey, c'était vraiment beau, ça. C'est toi qui as sorti la plupart des rimes, en plus. Waouh. Oh, j'ai écrit ça en une demi-heure tantôt. Ah, je suis vraiment sous le choc encore. Ouais. Je pense que je vais me permettre de lire ici un petit peu, parce que j'ai même préparé une toune particulière pour ça. Ça va faire super concert. Ouh. Donc, moi, j'archive des affaires bien spéciales. Pendant ce week-end, j'ai sûrement battu mon record de films gravés, archivés. J'ai fait un gros ménage dans l'encyclopédie. On continue à checker ça. Hier, on a même tourné des films. Ça brasse. Mais il y a une affaire que j'ai jamais vraiment parlé d'un bloc. Jamais ici à radio, en tout cas. C'est les titres de films. Souvent, quand je pogne un film qui s'appelle, disons, Return of the Kick Fighter, ben, ça, c'est le titre diffusé en anglais. Mm-hmm. En français, c'est Mission accomplie. Et puis là, ben, l'acteur principal, qui s'appelle Charles X. Quick, mais dans le fond, son vrai nom, c'est Bobby Wang. Puis là, ben, là, il faut tout comme démêler ça. Puis c'est vraiment pas facile. Puis on se ramasse des fois avec des traductions qui font vraiment dur, mais presque universellement, des titres qui font dur. Donc, ce qui fait, c'est que je vais lire ici les lettres A et B, comme je vous ai dit tantôt. Et puis les petits chiffres là. Donc 2019 After the Fall of New York, en français c'est 2019 après la chute de New York, on s'en doute. 2020 Texas Gladiator. Le gladiateur de l'an 2020. Abraxas, Guardian of the Universe. Alone in the T-shirt Zone, ça devient le maniaque des T-shirts, très fort. Amazon Jail, c'est femme en cage. Oh. Oui, ça c'était assez unique aussi. American Cyborg 2. Steel Warrior. Ça, c'est American Cyborg 2. Le guerrier d'acier. Sur le dessus, il est écrit c'est le Terminator contre le dernier des Mohicans. c'est comme ça, tu sais. Hein? Là, après ça, il y a American Ninja 4, The Annihilation. C'est le seul que j'ai gardé parce que les autres, c'est Annihilation, calme-toi. Android Apocalypse, Assault of the Killer Bimbos, Atlantis Inferno, Prédateur du Futur, Ator the Fighting Eagle, Ator l'Invincible, bien sûr, Back in Action, qui est en français Coup de Force. Les maîtres du pouvoir, c'est balistique en anglais. Balistique, c'est les maîtres du pouvoir, c'est ça, man, c'est la vie. Après ça, le point de la justice, c'est en turc, ça devient Batal Gazi, Solun Batal Gazi Gelior. Ça, Batal Gazi, c'est beaucoup de films de Kunet Arkin. Je ne les ai pas tout écrit parce que c'est assez. Beach Babes from Beyond, Beastmaster 2, Through the Portal of Time, Beastmaster 3, The Eye of Braxos. Bikini Summer, titre original, devient Bikini Party. Version française. Ah. C'était bien important. Ouais. Blackout, c'est Mémoire trahie. Black Yula, c'est un vrai film. Black Yula de Blaxploitation des années 70. Blast Fighter, écoutez-le bien celui-là. Blast Fighter, qui est un film italien tourné en anglais, s'appelle en version française L'Exécuteur Exterminateur. Pis là, comme tantôt, c'était le Terminator contre le dernier des Mohicans, il y a tout le temps une petite phrase. Le tagline de l'exécuteur exterminateur, c'est éliminateur et destructeur. Donc, le film qui s'appelle Exécuteur Exterminateur, pour le vanter, ils ont écrit éliminateur et destructeur. Blazing Ninja, Blood Beat, qui devient Sortilège 2. La Force du Mal. Blood Hands, Justice à coup de poing. Blood Fist 6, Ground Zero. Mais là, vous vous dites, OK, on a fait 6 films avec le même titre, avec Don the Dragon Wilson. On va se rendre jusqu'à 8. Blood Fist 8, Train to Kill, Hard Way Out. Aussi, il y a Border of Tong avec ça devient aux frontières des Tong avec l'excellent David Evener. Brave Star, qui est la suite de He-Man mais version cheap-ass. Brazilian Star Wars, qui est en version portugaise originale, excusez pour ceux que je vais froisser. Ostrapalose na Guerra dos Planetaus. Breaking the Rules, c'est Loi Brisée. Bridge of Dragons, le meilleur de Dolph Lundgren, c'est Frontières des Dragons. Et puis après ça, on rentre dans la filière Bronx, le Bronx Exécutionneur, les Guerriers du Bronx 2, du Bronx 1, Bruce Lee contre le Bronx, Bruce Lee against Superman, Bruce Lee fights again, Dragon Lee fights against Bruce Lee, Big Boss, Bruce Lee, Deadly Kung Fu, Xang Yue. On a fait A et B. Merci beaucoup tout le monde. Mais les Bruce Lee, c'est pas supposé être des pas pires films, ça? Enter the Dragon, c'est parce que Bruce Lee a fait un long métrage qui est dedans tout le temps, puis il y en a dans un autre qui est dedans des fois. Puis là, deux, trois téléséries. Il a pas fait grand-chose, Bruce Lee, avant de mourir. Mais c'est parce qu'après ça, ça a créé un genre. Il y a eu le Bruceploitation. Okay. Bruceploitation, il y a, mettons, Bruce Le. Lui, il s'appelle Bruce Le. Tu m'en avais Bruce déjà parlé. Lee, L-I. L-I. Puis il y a Bruce Lay, L-E-I. Puis il y a Bruce L-E-A, parce que Ear, tu sais, c'est E-A, puis ça se dit I. Puis il y a quatre gars qui ont pris la place de Bruce Lee avec le temps. Le meilleur, c'est de loin Bruce Le. Il a fait beaucoup de films et puis on va en voir souvent. T'as vu Clash of the Ninja, tu t'en rappelles? L'implacable ninja. Ah, ils se battent contre un taureau. Celui-là, tu devrais le rajouter d'ailleurs pour voter bientôt. Là, un jour. J'ai fait la programmation jusqu'au mois d'octobre, en fait. Hey, shit. On va aller écouter une petite toune. Une petite toune, rien que de quoi qui tue. Là. Tiens, on va écouter l'intro de 2019 après la chute de New York parce que c'est bon, ça parle des vraies valeurs. 20 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre atomique. L'Europe, l'Afrique et l'Asie, jusqu'au haut plateau du Tibet, sont sous la domination de la monarchie des Oraks. C'est cette puissance qui a déclaré la guerre au reste du monde et qui prétend l'avoir gagnée. La surface du globe a été réduite en un désert putride et radioactif, habité de survivants plus ou moins contaminés. Les bombes atomiques ont provoqué d'horribles transformations génétiques. En particulier depuis 10 ans, la stérilité est générale. Il n'y a plus une seule naissance sur la planète Terre. New York n'est plus que le fantôme de ce qui était l'orgueil de l'extraordinaire civilisation technologique américaine. Les Euraks en ont fait un camp de concentration aux mains de leurs forces militaires, secondées par des troupes de mercenaires cruels et avides. La chasse aux survivants de la métropole permet de rassembler des cobayes humains sur lesquels sont pratiquées des expériences génétiques insensées dans l'espoir de rendre la fécondité à la race humaine. Eh ben bonjour, ici Pierre Brassard, vous écoutez 70% sur Choc FM. Il avait bien fait ça. Yes. Alors, on continue en nouvelle. Avant ça, moi, je voudrais juste dire que mon titre de Blaxploitation, qui existe pas pour vrai, préféré, c'est Black to the Future. Oh, j'aime ça. Je l'aime. Ah oui, ah oui. Ça ouvre une belle filière aussi. Ah, après ça. Ouais, vas-y, man. Alors, Max P. Saller, un étudiant de 19 ans à l'Université du Minnesota, a mis son vote aux enchères. Cette semaine, son enchère de eBay s'est terminée avec 0 offre et une accusation au criminel. En gros, la meilleure offre obtenait son vote. Tant que le candidat était sur le bulletin de vote, pour prouver le tout, il allait se photographier dans l'isoloir en train de voter. Un enquêteur pour le mandataire du comté dit que Sandler lui a affirmé que c'était une blague. La loi, par contre, considère cet acte comme de la sollicitation, un pot de vin, et peut aller chercher une sentence de 5 ans de prison et une amende de 10 000 $. Ouais, faut faire attention, hein. Tu peux vendre ton amour inconditionnel mais sur Internet. Mais tu peux pas vendre ton vote. Mais pas ton vote. Ton vote, c'est précieux, pas. Ça. Tu niaises pas avec le mandataire ben oui, du c'est comté. Ça. Donc, on va retourner ici, pieds joints dans Puma Man, l'homme Puma. Il Puomo Mano, là. Donc, dans le dernier bloc d'extrait, on a compris notre plaisance, hein? On fonce vers la compréhension des personnages dans ce bloc-ci de blabla, parce que tous les autres acteurs, réalisateurs, monteurs, en fait, qui ou quoi que ce soit ayant collaboré à ce film, n'ont jamais eu de carrière internationale par la suite, à part Donald Pleasance, qui est un totem du domaine qu'on étudie. En exagérant, on peut dire que dans Puma Man, il y a 5 personnages. Un dont on se fout et qui ne sert qu'à mettre le héros en valeur en étant le gars standard. On vient d'y parler, il était pompier. Ensuite, il y a l'autre, c'est le héros, l'homme Puma, le plus inoffensif de tous les super-héros et le seul qui, à ce jour, laisse son sidekick faire tout le bottage pendant qu'il s'amuse avec le blue screen. Vadino, ça c'est le Péruvien qui assume son ambivalence sexuelle et qui, pour la survie de son peuple entier, qui est éteint depuis à peu près 300 ans, balance des médecins par les fenêtres en espérant tomber sur celui qui maîtrise l'art sacré aztèque du blue screen odieux. Il y a aussi une babe comme les autres, sans aucune particularité par rapport aux autres babes de film. D'ailleurs, j'en parlerai plus jamais parce qu'elle réagit exactement comme vous l'imaginez. Et puis, ben, il y a aussi Donald Pleasance, qui use de son charisme d'acteur shakespearien pour parvenir à nous terrifier avec un bout de foam shiny doré. Une beauté. Donc, on a l'ami de base, le héros, le sidekick, la babe et le méchant. Hey, hein? Ça arrive rarement. Ça pourrait presque être un titre de film. Ouais, j'avoue. Donc, on va se replonger dans les extraits. Dans ce bout-ci, on va rencontrer la babe, qui est dans le fond celle du début qui a parlé. C'est ça, le heureux hasard. Celle qui est possédée? Ouais, c'est le seul autre qui est payé pour parler, mettons, dans le film. Ouais, elle est possédée. Puis là, ça va devenir un gros conflit. Est-ce que son amour pour le gars est plus... Ah, on s'en fout. Professeur Farms? Un de vos dinosaures s'est sauvé? Non, mais je crois qu'il lui ressemble. Et vous étiez à sa poursuite avec cette barre énorme? Avec ta grosse dites-moi, barre. Ne serions-nous pas en train de rêver? Non, j'en suis certaine. Alors, je n'ai pas rêvé. Je suis bien tombé de la fenêtre. Ah, vous n'avez rien? Rien, juste un peu mal aux chevilles. Je m'appelle Jane Dobson. J'aimerais vous consulter pour une thèse sur l'âge mésozoïque, professeur. Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi l'homme n'a pas choisi d'être volatile, je ne puis vous répondre. Puis-je vous parler dans cette salle? Serait-ce une proposition? Non, seulement une invitation, chez moi ce soir. Mon père a convié quelques amis, vous me feriez un immense plaisir de vous joindre à nous. J'ai chez moi un maximum de livres pour travailler. Fait que le boss d'affaires, c'est son père? L'ambassade de Hollande, vous habitez une ambassade? Ça semble vous gêner? Ah oui? Ben, peut-être. Je suis hollandaise et mon père est ambassadeur. C'est vous deux fois? Oh, mais... Eh bien, je prendrai ma massue de cérémonie. Venez avec ce que vous voulez, mais venez. À ce soir. À ce soir. À 9h. Ça a été difficile. Ah, ils sont forts, ça, la trame sonore. Il est tellement charmeur. Oui. Ben, on n'y est pas avec ça. Là. Tant qu'à dépenser du budget, on va en dépenser un maximum à tous les niveaux. J'ai un autre petit bout ici. Là, c'est parce que je vous ai parlé de l'ambivalence d'un certain sidekick spécial là, qui s'appelle Vadino. Eh bien, là, on va le rencontrer. C'est lui qui est au courant, qui lance des médecins par les fenêtres en attendant de tomber sur celui qui va flotter. Tu arrives à te diriger comme un félin. Tu es l'homme puma. Non, je suis un homme capable de te tuer si tu ne prends pas la porte, tu as compris? L'homme puma ne doit jamais commettre de meurtre. Lui, non. Mais moi, je peux commettre un meurtre! Tu peux me chasser, mais pas le sang que tu as dans tes veines. Ton père voyait dans le noir. Il bondissait dans les airs. Il lui arrivait de protéger mon peuple. Lui aussi. Non, mon père était un médecin. Et les seuls gens qu'il protégeait, c'était ses patients. Il était médecin ici, mais grand homme puma dans les plateaux des Andes. Tu es un fou doublé d'un criminel qui ne peut s'empêcher de balancer les gens par les fenêtres et je vais... Avant d'appeler la police, regarde ça. Tu étais encore un enfant. Et voilà une preuve, une photo. Ah. Et je n'avais pas besoin de tuer pour te retrouver. Mais alors, comment t'appelles-tu? Mon peuple m'appelle Vadin. C'est un bon vieux. Je suis le représentant d'un dieu venu sur cette terre pour accomplir une mission. Que veux-tu de moi, Vadin? Une mission. Je suis venu pour te remettre ça. Ton père l'avait toujours avec lui. Et avec ça, tu auras tous les pouvoirs qu'il possède. Qu'est-ce qu'il donne? Il donne une belle ceinture de l'homme puma, man. Ah. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu boucles la ceinture, tu es automatiquement transformé en je t'ai dit de la mettre. Fond de l'homme puma. Tu es fou, il en est pas question. Imagine ma rentrée chez les Dobson avec ça sur moi ce soir? Oui. Tu peux. Je t'ai dit de la mettre. Mais la... Et maintenant, tu vas la mettre. Très bien, t'énerve pas. Je vais essayer. Non, là, il veut pas mettre... Non. Il a peur, il veut pas mettre la ceinture. Fait que là, ben... Il garde la ceinture, il s'en va un petit peu plus loin, notre charmant héros. Il me reste un petit dernier extrait ici, ça va être magique. On va comprendre que le Péruvien va encore tenter de convaincre le héros d'être le héros, mais Batman ne veut plus être Batman comme dans tous les Batman. Il faut que j'y aille. Tu dois faire attention. Cette soirée n'est qu'un piège pour te supprimer. Jeanne Dobson est la fille de l'ambassadeur de Hollande. Je sais, mais tu ne dois pas y aller. Ils ont déjà tué 4 personnes et tu es le suivant sur la liste. Mets la ceinture. Et accepte d'être homme puma, sinon tu mourras. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est de la pure folie. Ben alors oui. Pour toi, je suis l'homme puma et rien d'autre. Hey, y a pas rien compris. De tous ceux que j'ai rencontrés, tu es le plus mauvais. Ben oui. Mais tu es vraiment l'homme puma. Ah! Moi, soit j'ai compte. J'ai compte, je veux savoir la quantité de fois qu'ils disent homme puma dans ce film-là. Ça, parasite. Ben, moi, j'aime bien ça quand ils disent le titre du film dans le film. Ah, ça me situe. Tu peux pas te tromper, c'est ouais, sûr. C'est ça, tu sais que tu es en train de regarder le bon film. Je pense qu'on va aller se reposer les oreilles un petit peu dans une toune de Lycon de Cosmonauts. C'est très bon, cette bande-là. The Amazing Colossal Band, c'est l'album. Et puis, ben, Floating, ça va être la toune. Un petit 2 minutes et demie, puis on revient pour une nouvelle. Hein, Bruno? Ouais. Une dernière fois. Je vais vous parler du Go-Go Lounge. Oh, c'est bon. Ça. Il s'est trouvé une chronique pendant qu'on était assis. 70%. Oh, petit clou, tu vas voir, ça aide à éclaircir les idées. Oh, ce n'est vraiment pas le moment, Nono. Hé hey! Attends, Nono, donne-moi ce clou. Nono, tu es génial. Moi, génial? C'est vrai. Mais c'est prêt, fais bien attention, on y va, Télémax. Pitance, n'est-ce pas, mes amis? Un petit clou pour le réconfort? Oui, volontiers, je mangerai n'importe quoi. Vraiment, tu veux un clou? Oups, je veux pas. Tu n'aimes pas ça, ben tu as tort. Pourtant, on a toujours besoin de petits clous, c'est le soir. C'est toi. C'est bizarre, ça. Ça sortait ouais. D'eux. C'est Ulysse 31, Nono, le petit robot qui mange des clous pour devenir fort, contrairement à Bumbo, la petite voiture qui sent des fleurs pour devenir fort. Contrairement à Astérix, le petit Gaulois qui boit de la potion magique pour devenir fort. Contrairement à Benoît Brisefeuille qui est tout le temps fort, à moins qu'il ait le rhume, puis qu'il poigne à toutes les pages. Il y a aussi Popeye qui mange des épinards. Ah, tu vois, regarde, hein, chacun son déclic. Hein, Scooby-Doo, les Scooby Snacks. Ouais. Ok, vite fait, le Gogo Lounge sur Saint-Laurent à une place années 80. Ma cola qui a été là avec ses amis avant hier. Je la compte parce qu'elle n'a pas voulu venir le raconter à la radio, mais je trouvais ça outrant, moi. Elle n'a pas pu rentrer, faute de ne pas avoir eu de talons hauts et de belles robes. elle faisait le line-up, puis là, le monsieur, il disait, il n'y a pas assez de place, il y a trop de monde en dedans, puis un moment donné, il faisait rentrer d'autres mondes, puis pas elle, okay. Sa gang. Elle avait l'air trop, était trop confortable, fait que... Non, c'est ça. C'est bien, bien compliqué, ça, le monde d'un doorman, là, des fois. Ouais, fait que là, je suggère que plus personne aille vraiment sortir là où est l'idée de... Fait que c'est moi, je vais t'en faire une mieux. Je suis jamais allé. Moi non plus. Il est fort, ce Bruno. Il est fort, ce Bruno. D'ailleurs, c'est ta dernière nouvelle? Ouais, c'est ma dernière nouvelle de ce soir. En plus, c'est comme une genre de petite mise en situation. Ça va être le fun. Alors, c'est un citoyen de South Wales qui a appelé la ligne d'urgence pour signaler un étrange objet lumineux fixe dans le ciel qu'il croyait être un ovni, on suppose. Voici une traduction libre de la transcription de la conversation. Alors, salle de contrôle. South Wales Police, quelle est l'urgence? Citoyen? Ce n'est pas vraiment une urgence. Je dois juste vous informer que, de l'autre côté des montagnes, il y a un objet lumineux stationnaire. Salle de contrôle? D'accord. Citoyen, si vous avez quelques minutes, j'aimerais bien que vous vérifiez parce que ce que c'est, l'objet est là depuis au moins une demi-heure. Contrôle? Depuis une demi-heure, d'accord. Sur la montagne ou dans le ciel? Citoyen, c'est dans les airs. Contrôle? J'envoie quelqu'un pour vérifier. Citoyen, OK. Le mystère a été vite résolu, comme le démontre cette conversation entre la salle de contrôle et un officier de police. Ça va faire mal, ça. Contrôle? Alpha Zulu 20, cet objet dans le ciel, quelqu'un l'a-t-il vérifié? Officier de police? Oui, c'est la lune. fait que c'était ça, c'est que le gars il avait remarqué qu'il y avait un astre qui tournait autour de la stationnaire, un satellite naturel bien sûr qui existait longtemps avant les satellites de celui-là. Hey, y a-tu quelqu'un qui a dit à lui que putain? Je pense pas. Envoyez vos plaintes et vos claques à gueule virtuelle à telle adresse. Donc, le dernier bloc de l'Homme Puma. Merci beaucoup, Bruno. Une belle semaine. Ouais, chronique Jean Bonnet et tout et tout. Ouais, excellent, Bruno. Je te félicite. Donc, on s'enlise vers le. On s'enlise, oui, très bien dit. vers le dernier bloc de l'Homme Puma. L'Homme Puma, le Puma Man. C'est toi, l'Homme Puma. Tu as été choisi par l'Homme Puma, l'Homme Puma. Donc, le héros choisi par le destin qui ne veut pas assumer le rôle de meilleur des meilleurs, qu'il n'a jamais demandé et qui doit offrir son corps à la matrice à la fin pour tout purifier. Moi, j'en ai plein de cul. La notion d'élu est à la base du plus grand best-seller de tous les temps. Jésus y est mort là 2000 ans. Alors, la défaite que l'Homme Puma est un film qui date, donc ça exclut le scénario un petit peu. Non. Non. Hein? C'est pas parce que c'est fait v'là 20 ans, là, hein? Bon. Donc, moi, Tommy Godette, je dis non. Je dis que l'Homme Puma, à moins 8.5, est sans aucun doute un film qui n'aurait jamais dû être fait et qui ne bénéficie d'aucune excuse pour son apparence et son rendu. Je dis que le bon sens critique fut avalé, digéré, réavalé et redigéré par ses créateurs. Je prétends que un produit, que chose, là, oui, c'est ça, Alberto De Martino, AKA, encore un pseudo-cheap pour américaniser un produit fait ailleurs, résultat du congrès des dupes qui régit les lois internationales de distribution de films, AKA Martin Hébert. Oh! C'est pas Alberto De Martino, c'est Martin Hébert. N'a aucun respect, bien sûr, pour notre intelligence ou et capitalise entièrement sur un public cible à l'imagination plus fertile que celle de tout le monde que je connais. Ou et qui sait que toutes les personnes qui allaient voir le film étaient pour être des indigènes javanais réducteurs de tête pas encore civilisés qui s'en sont à leur première expérience cinématographique. Ou et des prisonniers torturés. Ou et bof. Puis encore une fois, plus que jamais, si vous avez des questions, on en a vraiment beaucoup, nous aussi, à douteux.org. L'homme puma qui est invincible ce soir au brouhaha. Vous pouvez bien sûr aller au douteux.org pour aller voter pour les films de la semaine prochaine. Pour l'instant, on va écouter un petit 40 secondes de l'homme puma qui a finalement assumé son homme pumisme et qui a mis la petite ceinture lui donnant un petit saut tout collé avec la petite cape qui va avec. Alors, tu es convaincu? Je n'y comprends plus rien. J'y suis l'homme puma. J'ai peur de faire le moindre mouvement. Ça n'a rien à voir. C'est ton esprit qui réagit. Toi, tu as la frousse, mais ton autre, toi, non. Et qui est cet autre? Dis-moi toute la vérité. Je veux savoir. Dans tes veines coule le sang d'un dieu venu d'un autre monde. Ah, c'est assez. Shansung est un sorcier démoniaque. C'est pas croyable. Je n'en reviens pas. Au pouvoir considérable. C'était pas un homme, on aurait dit que c'était un félin qui volait. Hein, ce n'était pas un homme, on non, aurait dit que c'était un félin qui volait. Donc, Donald Pleasance a maintenant le visage de son ennemi. Il va se mettre en chasse, tel le bon Pleasance. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, qu'il n'est pas si gracieux qu'un félin quand il vole. Et ça, Pristino. Non. Hein. Donc, voilà, on va retourner. Hey, non. Hein. Donc, là, l'homme puma, il faut qu'il prenne conscience du fardeau de sa mission, c'est-à-dire sauver le monde avec ses pouvoirs d'homme puma. J'ai une blague vite faite. Là. Vas-y. C'était une fois deux chats qui jasaient dans les airs. Il y en a un qui dit à l'autre, hey, salut, man. L'autre dit, un chat qui vole. Un homme puma, un homme puma, l'homme puma, puma, puma. Donc, une autre petite séquence ici avant de fermer l'émission, ça dure à peu près 30 secondes. L'homme puma qui sent le fardeau de sa mission, qui porte sa croix, tel le Jésus, des blue screens. Mais pourquoi moi? Non, je ne veux plus. Beaucoup d'hommes sont en possession de pouvoirs extraordinaires, mais ils en sont ignorants. Toi, tu le sais. Mais je sais quoi? Que tu ne peux rien faire contre ton destin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ça, c'est une vaste blague. Il se plaint tout le long. Tu veux descendre? Demande à ton esprit. C'est l'esprit qui contrôle tout. Y compris le Nasdaq. Donc, ça, on va baisser ça, là, on va fermer l'émission. Merci beaucoup, les amis. On va vous laisser avec les gentilles de Trash Talking, je pense. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est eux autres qui s'en viennent après. C'est la nouvelle case horaire, c'est excellent comme ça. On peut voir les jolies jeunes filles à chaque jour. Et voilà. Donc, sinon, merci Bruno, merci Israël. Allez merci au douteux.org. La semaine prochaine, les deux films, c'est Exterminator de l'année 3000. C'est spécial parce que c'est un post-apocalyptique italien. Du début des années 80. Ils sont en recherche d'eau, me semble. Oui, de femmes fertiles et d'énergie. Et puis, sinon, on a Gale Force. C'est un film avec Michael Dudikoff dans le rôle des méchants et Treat Williams dans le rôle du héros. C'est un moins 6 qui date de l'an 2000, à peu près. Donc, des très bons choix pour la semaine prochaine. Merci, les gars. Oui, c'était super cool. Bon, on a bien fait ça, c'est ça. 1 à 5, Israël. 1. Puis rendez-vous ce soir au Brouhaha, les amis. Ah, on n'oublie pas, on n'oublie pas. Ah, parce que. Jamais, même. 70% libre. Ça va aller mieux. Vois le côté du douteux. Qu'est-ce que c'est que cet entrepôt? Mon refuge. Tu vis dans cette pauvreté? Et c'est là que tu dors? Comment peut-on dormir sur des haillons? La façon de dormir n'a pas d'importance. C'est la façon de se réveiller qui est importante. Mets-toi à genoux. Tu es sûr que là-haut, quelqu'un entend ta voix? J'en suis certain. Et ce quelqu'un est puissant? Très puissant. Alors pourquoi ne nous aide-t-il pas? Il nous aide toujours. Il nous est impossible de connaître cette aide. Maintenant, tu le sais. Agenouille-toi. Fais le silence dans ton corps. Fais abandon de toute chose matérielle. Tu deviens une partie du cosmos. Concentre ton esprit sur l'image sacrée de notre sauveur, le dieu Puma. Es-tu prêt à recevoir le pouvoir ? Oui, je suis prêt. Bon. Tu vas penser intensément à cette maison. Concentre-toi. Alors tu pourras la retrouver. Courage, prépare-toi. Tu dois faire un grand voyage dans une autre dimension. Tu devras plonger dans le néant ensuite. Tu retrouveras la réalité qui te permettra de découvrir le masque d'or sacré. Projeter son esprit, c'est possible ? Toutes les choses sont possibles grâce à notre esprit. Concentre-toi. Tu dois avoir foi en tes pouvoirs. Ton corps peut aussi voyager. Il est guidé par ton esprit. Va. Merci. Tu l'as trouvé? Non. Mais j'ai compris que je ne peux me projeter que vers un lieu que je connais. Et je dois savoir exactement où je veux aller. Sinon, je vais m'égarer dans le néant. C'est mauvais signe.